les gros ont pris des piges. Double top en building, tu piges. Quand je cook shit, tu kiffes. J'encaisse à la mic. On fait rentrer des lovés en période de crise. 5h50, 9, ça sent la perquise. Bif, bif, bif, bif, bif. Même toi, t'es bref, je pense qu'à mon bénéfice. Tu dois rester concentré sur le trafic. Tous les jours, je pense qu'à me faire du fric. Coq pur, négro, maléfique. Ma chérie, cache des grappes dans son soutif. Quoi qu'on débarque, on attire ta tire. C'est triste à dire, mais la street m'attire. Assez de pochetons pour les zombies de la vie. Assez de pochetons pour les zombies de la vie. J'suis encore foncé de la veille. J'ai le toucher qui rend des billes. Il fait des bulles, il met des balles. Et les somnambules le réclament en boule. Et les somnambules le réclament en boule. Et les somnambules le réclament en boule. J'encaisse. Je le fais qu'encaisser. Encaisser. En espèce, en chéquier, en CB. Encaissé. Elle est en train de pépon, une heure après je mets le plein d'essence. On soulève des culs, tu ramasses des culs de pète, c'est inquiétant. Elle est en train de pépon, une heure après je mets le plein d'essence. On soulève des culs, tu ramasses des culs de pète, c'est inquiétant. J'suis dans la zincrine, tu vois ce que je veux dire. Il a grippe son brolique dès qu'il se réveille. J'rêve d'empiler ce fric sur des kilomètres. On va pour l'abdorater pour ta recette. Sa mère les impôts de l'oseille des lingots. J'ai cramé 4 bleus dans le Berlago. Et les petits jeunes veulent le terrain tôt. Prêt à défourailler comme à Toronto. Tu veux être une grosse tête dans le réseau. Tu sors ton 44, tu parles pas trop. Sa vie grave, sa charbonne, c'est trop tard. Rentre dans la barre, pas la toiture. Ta femme va finir sur le trottoir. Si tu veux tester, faut que tu sois sûr. Tu me rates dans l'après-midi, je reviens ce soir. J'encaisse. Je le fais qu'encaisser. En espèce, en chéquier, en CB. Encaisser. J'encaisse.